Chapitre 2. Celui qui est. Au milieu d'une clairière formée par des bouleaux chauves de vieillesse, s'élevait le rez-de-chaussée d'un de ces châteaux en ruine que les seigneurs féodaux semèrent jadis dans l'Europe au retour des croisades. Les ports sculptés de fins ornements, et dont chaque cavité, au lieu de la statue, mutilée et précipitée au pied de la muraille, recelait une touffe de bruyère ou de fleurs sauvages, découpaient sur un ciel blafard leurs ogives dentelées par les éboulements. Le voyageur, en ouvrant les yeux, se trouva devant les marches humides et moussues du portique principal. Sur la première de ces marches, se tenait debout le fantôme à la main osseuse qui l'avait amené jusque-là. Un long suaire l'enveloppait de la tête aux pieds. Sous les plis du linceul, ses orbites sans regard étincelaient. Sa main décharnée était étendue vers l'intérieur des ruines et semblait indiquer au voyageur, comme terme de sa route, une salle dont l'élévation au-dessus du sol cachait les parties inférieures, mais aux voûtes effondrées de laquelle on voyait trembler une lumière sourde et mystérieuse. Le voyageur inclina sa tête en signe de consentement. Le fantôme monta lentement un à un et sans bruit les degrés, et s'enfonça dans les ruines. L'inconnu le suivit du même pas tranquille et solennel sur lequel il avait toujours réglé sa marche, franchit un à un à son tour les degrés qu'avait franchi le fantôme, et entra. Derrière lui se referma, aussi bruyamment qu'un mur vibrant d'airain, la porte du porche principal. À l'entrée de la salle circulaire vide, tendue de noir et éclairée par trois lampes aux reflets verdâtres, le fantôme s'était arrêté. À 10 pas de lui, le voyageur s'arrêta à son tour. « Ouvre les yeux, » dit le fantôme. « J'y vois, » répondit l'inconnu. Tirant alors un geste rapide et fier une épée à deux tranchants de son linceul, le fantôme frappa sur une colonne de bronze qui répondit au coup par un mugissement métallique. Aussitôt et tout autour de la salle des dalles se soulevèrent des fantômes sans nombre, pareils aux premiers, apparurent armés chacun d'une épée à double tranchant et prirent place sur des gradins de même forme que la salle où se reflétait particulièrement la lueur verdâtre des trois lampes, où ils semblaient, confondus avec la pierre par leur froideur et leur immobilité, des statues sur leurs piédestaux. Chacune de ces statues humaines se détachait étrangement sur la draperie noire qui, comme nous l'avons dit, couvrait les murs. 7 sièges étaient placés en avant du premier degré. Sur ces sièges étaient assis 6 fantômes qui paraissaient des chefs. Un de ces sièges était vide. Celui qui était assis sur le siège du milieu se leva. « Combien sommes-nous ici, mes frères ? » demanda-t-il en se tournant du côté de l'assemblée. « 300 !» répondirent les fantômes d'une seule et même voix qui tonna dans la salle. Puis presque aussitôt alla se briser sur la tenture funéraire des murailles. « 300 !» reprit le président, dont chacun représente 10 000 associés. « 300 épées qui valent 3 millions de poignards. » Puis se retournant vers le voyageur, « Que désires-tu » lui demanda-t-il. « Voir la lumière, » répondit celui-ci. « Les sentiers qui mènent à la montagne de feu sont âpres et durs. Ne crains-tu pas de t'y engager ? Je ne crains rien. » Une fois que tu auras fait encore un pas en avant, il ne te sera plus permis de retourner en arrière, songe-y. Je ne m'arrêterai qu'en touchant le but. Es-tu prêt à jurer ? Dictez-moi le serment et je le répéterai. » Le président leva la main et d'une voix lente et solennelle prononça les paroles suivantes. « Au nom du Fils crucifié, jurez de briser les liens charnels qui vous attachent encore à père, mère, frère, sœur, femme, parent, ami, maîtresse, roi, bienfaiteur, et à tout être quelconque à qui vous auriez promis foi, obéissance ou service. » Le voyageur, d'une voix ferme, répéta les paroles qui venaient de lui être dictées par le président, qui, passant au 2e paragraphe du serment, reprit avec la même lenteur et la même solennité. « De ce moment, vous êtes affranchis du prétendu serment fait à la patrie et aux lois. Jurez donc de révéler au nouveau chef que vous reconnaissez ce que vous avez vu ou fait, lu ou entendu, appris ou deviné, et même de rechercher des pieds ce qui ne s'offrirait pas à vos yeux. » Le président se tut, et l'inconnu répéta les paroles qu'il venait d'entendre. « Honorez et respectez l'aquatofana, » reprit le président sans changer de ton, « comme un moyen prompt, sûr et nécessaire de purger le globe par la mort ou l'hébétation de ceux qui cherchent à abolir la vérité ou à l'arracher de nos mains. » Un écho n'eut pas plus fidèlement reproduit ces paroles que ne le fit l'inconnu. Le président reprit. Fuyez l'Espagne, fuyez Naples, fuyez toute terre maudite, fuyez la tentation de rien révéler de ce que vous allez voir et entendre, car le tonnerre n'est pas plus prompt à frapper que ne le sera à vous atteindre, en quelque lieu que vous soyez, le coup tout invisible et inévitable. Vivez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il fut impossible, malgré la menace que contenaient ces dernières lignes, de surprendre aucune émotion sur le visage de l'inconnu, qui prononça la fin du serment et l'invocation qui le suivit avec un accent aussi calme qu'il en avait prononcé le commencement. « Et maintenant, » continua le président, saignait le front du récipiendaire avec la bandelette sacrée. Deux fantômes s'approchèrent de l'inconnu qui inclina la tête. L'un d'eux lui appliqua sur le front un ruban aurore chargé de caractères argentés entremêlés de la figure de Notre-Dame de Lorette. L'autre en noua derrière lui les deux bouts à la naissance du col. Puis ils s'écartèrent en laissant de nouveau l'inconnu seul. « Que demandes-tu ? » lui dit le président. « Trois choses, » répondit le récipiendaire. « Lesquelles ? » « La main de fer, le glaive de feu, les balances de diamants. »« Pourquoi désires-tu la main de fer ? » ?»« Pour étouffer la tyrannie. » »« Pourquoi désires-tu le glaive de feu ? » ?»« Pour chasser l'impur de la terre. » »« Pourquoi désires-tu les balances de diamants ? » ?»« Pour peser les destins de l'humanité. » »« Es-tu préparé pour les épreuves ? » ?»« Le fort est préparé à tout. » »« Les épreuves ! Les épreuves !» s'écrièrent plusieurs voix. « Retourne-toi, » dit le président. L'inconnu obéit et se trouva en face d'un homme pâle comme la mort, garrotté et bâillonné. « Que vois-tu ? » demanda le président. « Un criminel ou une victime ? » ?»« C'est un traître qui, après avoir fait le serment que tu as fait, a révélé le secret de l'ordre. « C'est un criminel alors ?»« Oui. Quel châtiment a-t-il encouru ? » ?»« La mort. » Les 300 fantômes répétèrent « La mort !» Au même instant, le condamné, malgré des efforts surhumains, fut entraîné dans les profondeurs de la salle. Le voyageur le vit se débattre et se tordre aux mains de ses bourreaux. Il entendit sa voix sifflant à travers l'obstacle du bâillon. Un poignard étincela, reflétant comme un éclair la lueur des lampes, puis on entendit frapper un coup mat, et le bruit d'un corps tombant lourdement sur le sol retentit, sourd et funèbre. « Justice est faite !» dit l'inconnu en se retournant vers le cercle effrayant, dont les regards avides avaient, à travers leur sueur, dévoré ce spectacle. « Ainsi, dit le président, tu approuves l'exécution qui vient d'avoir lieu ? » ?»« Oui, si celui qui vient d'être frappé fut véritablement coupable. » »« Et tu boirais à la mort de tout homme qui, comme lui, trahirait les secrets de l'association sainte ? » ?»« J'y boirais. » »« Quelle que fût la boisson, quelle qu'elle fût. » »« Apportez la coupe, » dit le président. » L'un des deux bourreaux s'approcha alors du récipiendaire et lui présenta une liqueur rouge et tiède dans un crâne humain monté sur un pied de bronze. L'inconnu prit la coupe des mains du bourreau et la levant au-dessus de sa tête. « Je bois, dit-il, à la mort de tout homme qui trahira les secrets de l'association sainte. » Puis, abaissant la coupe à la hauteur de ses lèvres, il la vida jusqu'à la dernière goutte et la rendit froidement à celui qui la lui avait présentée. Un murmure d'étonnement courut par l'assemblée, et les fantômes semblèrent se regarder entre eux à travers leur linceul. « C'est bien, » dit le président, « le pistolet. » Un fantôme s'approcha du président, tenant d'une main un pistolet et de l'autre une balle de plomb et une charge de poudre. À peine le récipiendaire daigna-t-il tourner les yeux de son côté. « Tu promets donc obéissance passive à l'association sainte ?» demanda le président. « Même si cette obéissance devait s'exercer sur toi-même ?» « Celui qui entre ici n'est pas à lui, il est à tous. Ainsi, quelque ordre qu'il te soit donné par moi, tu obéiras ? J'obéirai. À l'instant même. Sans hésitation. Prends ce pistolet et charge-le. » L'inconnu prit le pistolet, fit glisser la poudre dans le canon, l'assujettit avec une bourre, puis laissa tomber la balle, qu'il assura avec une seconde bourre, après quoi il amorça l'arme. Tous les sombres habitants de l'étrange demeure le regardaient avec un morne silence, qui n'était interrompu que par le bruit du vent se brisant aux angles des arceaux rompus. « Le pistolet chargé, » dit froidement l'inconnu. « En es-tu sûr ? » demanda le président. Un sourire passa sur les lèvres du récipiendaire, qui tira la baguette et la laissa couler dans le canon de l'arme qu'elle dépassa de 2 pouces. Le président s'inclina en signe qu'il était convaincu. « Oui, » dit-il, « il est en effet chargé et bien chargé. » « Que dois-je en faire ?» demanda l'inconnu. « Arme-le » L'inconnu arma le pistolet, et l'on entendit au milieu du profond silence qui accompagnait les intervalles du dialogue le craquement du chien. « Maintenant, » reprit le président, Appuie la bouche du pistolet contre ton front. Le récipiendaire obéit sans hésiter. Le silence s'étendit sur l'assemblée plus profond que jamais. Les lampes semblèrent pâlir. Ces fantômes étaient bien véritablement des fantômes, car pas un n'avait d'haleine. « Feu !» dit le président. La détente partit, la pierre étincela sur la batterie, mais la poudre du bassinet seule prit feu, et aucun bruit n'accompagna sa flamme éphémère. Un cri d'admiration s'échappa de presque toutes les poitrines, et le président, par un mouvement instinctif, étendit la main vers l'inconnu. Mais deux épreuves ne suffisaient point. Au plus difficile, et quelques voix crièrent « Le poignard ! Le poignard !»« Vous l'exigez ?» demanda le président. « Oui, le poignard ! Le poignard !» reprirent les mêmes voix. « Apportez donc le poignard !» dit le président. « C'est inutile !» fit l'inconnu en secouant la tête d'un air de dédain. « Comment inutile ?» s'écria l'assemblée. « Oui, inutile !» reprit le récipiendaire d'une voix qui couvrait toutes les voix. « Inutile, je vous le répète, car vous perdez un temps précieux !» « Que dites-vous là ? » s'écria le président. « Je dis que je sais tous vos secrets, que ces épreuves que vous me faites subir sont des jeux d'enfants, indignes d'occuper un instant des êtres sérieux. Je dis que cet homme assassiné n'est point mort. Je dis que ce sang que j'ai bu était du vin renfermé dans une outre aplatie sur sa poitrine et caché sous ses vêtements. Je dis que la poudre et les balles de ce pistolet sont tombées dans la crosse au moment où, armant le chien, j'ai fait jouer la bascule qui les engloutit. Reprenez votre arme impuissante, bonnet effrayé les lâches. Relève-toi donc, cadavre menteur, tu n'épouvanteras pas l'effort. » Un cri terrible fit retentir les voûtes. « Tu connais nos mystères ? » s'écria le président. « Tu es donc un voyant ou un traître ? » ?»« Qui es-tu ? » demandèrent ensemble 300 voix, en même temps que 20 épées étincelaient aux mains des fantômes les plus proches, et par un mouvement régulier, comme eût été celui d'une phalange exercée, venaient s'abaisser et se réunir sur la poitrine de l'inconnu. Mais lui, souriant, calme, relevant la tête en secouant sa chevelure sans poudre et retenu par le seul ruban qu'on avait noué autour de son front, « Ego sum qui sum » dit-il, « je suis celui qui est. » Puis il promena ses regards sur la muraille humaine qui l'entourait étroitement. À son regard dominateur, les épées s'abaissèrent par mouvements inégaux, selon que ceux que l'inconnu écrasait de ce regard cédait instantanément à son influence ou essayait de la combattre. « Tu viens de prononcer une imprudente parole, » dit le président, « et sans doute tu ne l'as prononcée que parce que tu n'en connais point la portée. » L'étranger secoua la tête en souriant. « J'ai répondu ce que je dois répondre, » dit-il. « D'où viens-tu donc alors ?» demanda le président. « Je viens du pays d'où vient la lumière. » « Nos instructions annoncent cependant que tu viens de Suède. »« Qui vient de Suède peut venir d'Orient. » reprit l'étranger. « Une seconde fois, nous ne te connaissons pas. Qui es-tu ? Qui je suis ? » ?»« Soit, » reprit l'inconnu, « je vous le dirai tout à l'heure, puisque vous feignez de ne pas me comprendre. Mais auparavant, je vais vous dire qui vous êtes vous-même. » Les fantômes tressaillirent, et leurs glaives s'entrechoquèrent en passant de leur main gauche dans leur main droite et en se relevant à la hauteur de la poitrine de l'inconnu. « D'abord, » reprit l'étranger, en étendant la main vers le président, « toi qui te crois un dieu et qui n'es qu'un précurseur, toi le représentant des cercles suédois, je te dirai ton nom pour n'avoir point besoin de te dire celui des autres. Swedenborg, les anges qui causent familièrement avec toi, ne t'ont-ils pas révélé que celui que tu attendais s'était mis en chemin ? C'est vrai, répondit le président en relevant son linceul pour mieux voir celui qui lui parlait. Ils me l'ont dit. Et celui qui relevait son linceul, contre toutes les habitudes des rites de la société, montrait en le relevant le visage vénérable et la barbe blanche d'un vieillard de 80 ans. « Bien, » reprit l'étranger, « maintenant à ta gauche est le représentant du cercle anglais, qui préside la loge de la Calédonie. Salut, Milord. Si le sang de votre aïeul revit en vous, l'Angleterre peut espérer que la lumière éteinte se rallumera. » Les épées s'abaissèrent, la colère commençait à faire place à l'étonnement. « Ah, c'est vous, capitaine ?» continua l'inconnu en s'adressant au dernier chef placé à la gauche du président. « Dans quel port avez-vous laissé votre beau bâtiment, que vous aimez comme une maîtresse ? C'est une brave frégate, n'est-ce pas, que la Providence, et un nom qui portera bonheur à l'Amérique. » Puis se retournant vers celui qui se tenait à la droite du président, « À ton tour, dit-il, prophète de Zurich, voyons, regarde-moi en face. Toi qui as poussé jusqu'à la divination la science physionomique, et dis tout, si dans les lignes de mon visage, tu ne reconnais pas le témoignage de ma mission. » Celui auquel il s'adressait recula d'un pas. Allons, continua l'étranger en s'adressant à son voisin, allons, descendant de Pélage. Il s'agit de chasser une seconde fois les morts de l'Espagne. Ce sera chose facile si les Castillans n'ont point à tout jamais perdu l'épée du Cid. Le cinquième chef resta muet et immobile. On eût dit que la voix de l'inconnu l'avait changé en pierre. Et à moi, reprit le sixième chef, allant au-devant des paroles de l'inconnu qui semblait l'oublier, à moi, n'as-tu rien à me dire ? Si fait, répondit le voyageur en fixant sur divination un de ces regards perçants qui fouillaient les cœurs. Si fait, j'ai à te dire ce que Jésus dit à Judas, je te le dirai tout à l'heure. Celui auquel il s'adressait devint plus pâle que son linceul, tandis qu'un murmure courant par toute l'assemblée semblait demander compte au récipiendaire de cette étrange accusation. « Tu oublies le représentant de la France, » dit le président. « Celui-là n'est point parmi nous, » répondit l'étranger avec hauteur. « Et tu le sais bien, toi qui parles, puisque voilà son siège vide. Maintenant, rappelle-toi que les pièges font sourire celui qui voit dans les ténèbres, qui agit malgré les éléments et qui vit malgré la mort. « Tu es jeune, » reprit le président, « et tu parles avec l'autorité d'un dieu. Réfléchis bien à ton tour. L'audace n'étourdit que les hommes irrésolus ou ignorants. » Un sourire de suprême dédain se dessina sur les lèvres de l'étranger. « Vous êtes tous irrésolus, » dit-il, « puisque vous ne pouvez agir sur moi. Vous êtes tous ignorants, puisque vous ne savez pas qui je suis, tandis qu'au contraire, je sais moi qui vous êtes. Donc, je réussirai près de vous rien qu'avec de l'audace. Mais à quoi sert l'audace ? À celui qui est tout-puissant. » « La preuve de cette puissance, » dit le président, « la preuve, donnez-nous-la. » « Qui vous a convoqué ? » demanda l'inconnu, passant du rôle d'interrogé à celui d'interrogateur. « Le cercle suprême. » « Ce n'est pas sans but, » dit l'étranger en se retournant vers le président et vers les cinq chefs, « que vous êtes venus, vous de Suède, vous de Londres, vous de New York, vous de Zurich, vous de Madrid, vous de Varsovie, vous tous enfin. » continua-t-il en s'adressant à la foule, « des quatre parties du monde, pour vous réunir dans le sanctuaire de la foi terrible. » « Non, sans doute, » répondit le président. « Nous venons au-devant de celui qui a fondé un empire mystérieux en Orient, qui a réuni les deux hémisphères dans une communauté de croyances, qui a enlacé les mains fraternelles du genre humain. Y a-t-il un signe certain auquel vous puissiez le reconnaître ?»« Oui, » dit le président, « et Dieu a daigné me le dévoiler par l'intermédiaire de ses anges. » Vous seul connaissez ce signe alors, moi seul le connais. Vous n'avez révélé ce signe à personne au monde. Dites-le tout haut. » Le président hésita. « Dites, » répéta l'étranger avec le ton du commandement, « dites, car le moment de la révélation est venu. » « Il portera sur la poitrine, » dit le chef suprême, « une plaque de diamant, et sur cette plaque étincelleront les trois premières lettres d'une devise connue de lui seul. » « Quelles sont ces trois lettres ?» L. P. D. L'étranger écarta d'un mouvement rapide sa redingote et son gilet, et sur sa chemise de fine batiste apparut, resplendissante comme une étoile de flamme, la plaque de diamant sur laquelle flamboyaient les trois lettres de rubis. « Lui ? » s'écria le président épouvanté. « Serait-ce lui ? » ?»« Celui que le monde attend ? » dirent avec anxiété les chefs. « Le grand coffre ? » murmurait 300 voix. « Eh bien ? » s'écria l'étranger avec l'accent du triomphe. « Me croirez-vous maintenant, quand je vous répéterai pour la seconde fois, je suis celui qui est ?»« Oui, » dirent les fantômes en se prosternant. « Parlez, maître, » dirent le président et les cinq chefs, le front incliné vers la terre. « Parlez et nous obéirons. »